entre Laetitia Gaillet qui vient en trottinette, Sonia à vélo, et moi j'étais en voiture électrique, donc comme ça on a fait le tour de ce qui est possible. Quel est le programme très vite de la bande originale? Bertrand Bonello avec Nocturama, j'arrive à le dire. Bonne émission. Demain Ali, merci. Bonne émission. Il est 11h sur France Inter. Le Flash, Laetitia Gaillet. Il y a l'accord sur la lutte contre le réchauffement climatique signé à Paris en décembre dernier et il y a sa mise en application. Dans une tribune publiée ce matin sur lemonde.fr, Laurent Fabius, l'ancien président de la conférence de Paris, dénonce la lenteur des actions menées pour ratifier et donc mettre en œuvre le texte. Il parle même d'inquiétude. Parmi les difficultés majeures, selon Laurent Fabius, l'accord sur le climat qui n'a pas encore été ratifié par les 5 plus grands pollueurs de la planète, à savoir la Chine, les États-Unis, l'Union européenne, l'Inde et la Russie. L'accord signé en décembre prévoit de limiter le réchauffement climatique de la Terre bien en deçà de 2 degrés. Apple a-t-il bénéficié d'un traitement de faveur en matière fiscale de la part de l'Irlande? La Commission européenne devrait se prononcer tout à l'heure à Bruxelles. Si elle invalide les arrangements fiscaux de l'Irlande avec la marque à la pomme, alors Dublin devrait récupérer plus d'1 milliard d'euros d'impôts. Début aujourd'hui de l'université d'été du MEDEF. Comme d'habitude, le rendez-vous est donné sur le campus d'HEC à Jouy-en-Josas. Ce matin, dans les Échos, Pierre Gattaz réclame des engagements fort de la part du gouvernement. Le patron des patrons a sorti sa calculette. Il assure qu'il est possible de créer 2 millions d'emplois, mais à condition d'aligner le niveau des charges sur l'Allemagne, de déverrouiller le marché du travail français et opter pour une fiscalité plus lisible et motivante. À 8 mois de la présidentielle, les candidats potentiels ont pris rendez-vous avec les patrons. À droite, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, Bruno Le Maire et François Fillon sont attendus. Au gouvernement, Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, lui, y sera demain. Les ventes de médicaments ont stagné en France en 2015. La Fédération française des industriels du médicament livre ce matin son bilan économique annuel. La LEM juge la situation pénalisante pour l'attractivité de la France. Les plans d'économie mis en place par les pouvoirs publics étouffent, selon elle, le secteur qui assume à lui seul 50% des efforts d'économie de l'assurance maladie en consentant des baisses de prix et de volume, et ce alors que les médicaments ne représentent que 15% des dépenses de santé. La Turquie met en garde l'Union européenne. Ankara ne pourra pas continuer de stopper le flux migratoire vers l'Union si d'ici octobre, les visas pour les Turcs en Europe sont encore en vigueur. C'était la contrepartie de l'accord signé au printemps avec la Turquie sur le dossier des migrants. C'est le chef de la diplomatie turque qui lance cet avertissement aujourd'hui. Entre hier et ce matin, les autorités grecques ont enregistré, elles, un nouveau pic. 462 migrants partis des côtes turques sont arrivés en Grèce. Enfin, il a choisi son successeur et en même temps, c'était un secret de Polichinelle. Dans une interview accordée ce matin au Progrès, le maire de Lyon, Gérard Collomb, maire socialiste, désigne David Kimmelfeld pour lui succéder à la mairie en 2020. Je l'accompagnerai, dit-il. David Kimmelfeld est le président de la Fédération socialiste du Rhône et également vice-président de la métropole. Vous écoutez France Inter, il est 11h03. Du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 16h. La récréation ? Et si on faisait une pause ? Vincent Josse. On se retrouve à la récré pour un moment musical, du classique, du jazz. L'important, c'est que la musique vous étonne, vous émeuve, vous fasse du bien. La récréation, du lundi au vendredi sur France Inter. À tout à l'heure. À partir de 16h. À retrouver aussi en podcast sur franceinter.fr. Nagui, c'est à vous pour la bande originale. C'est gentil. J'espère bien, ça. Oui. Avec que ceux qu'on ne sait pas qui c'est et que ceux qu'on sait qui c'est. Ah, ça vous fait rire. J'adorais cette tournure de phrase. C'est du Laetitia Gaillet, quoi. Ouais, c'est voilà. Pour ça. Unique. Ouais, unique. Voilà. C'est ça, irremplaçable. C'est ça que j'en aime. Légende. À tout à l'heure. Légende, c'est bon. C'est fini, vous êtes à l'antenne, les filles. À tout à l'heure, midi. Allez, à tout à l'heure. On est censure. La bande originale, soyez les bienvenus avec Daniel Morin. Bonjour. Leïla Kadour Boudali. Bonjour. Tom Villard. Bonjour. Noam Jaoui sera tout à l'heure avec nous. Richard Ornac est là et notre invité Bertrand Bonello. Bonjour. Soyez le bienvenu, monsieur Bonello. On se prit une belle claque. En fait, chaque fois qu'on voit un film signé Bonello, on se prend une claque. C'est que ça, ce soit la règle. La beauté des filles ou la nudité de certaines filles dans Apollonide, entre autres, pornographes, enfin voilà. Vous aimez les femmes, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Vous aimez les filmer en tout cas. Le Saint-Laurent qui a été le succès que l'on connaît avec Gaspard Huyel. Et alors là, la claque, c'est Nocturama, un film dont on va parler dans quelques instants. Mais d'abord, D'abord, pardon, la première question, c'est savoir si vous allez bien, si la journée a bien commencé. Mais plutôt. Un petit peu tendu comme à la veille d'une sortie, mais agréablement tendu. Vous dormez bien en ce moment ou... Pas du tout. C'est vrai? Bah, c'est normal, non? Non, mais la nuit, non, mais il faut que vous dormez. Vous ne vous rendez pas compte que le film va sortir? Ah, si. C'est pendant la nuit, d'ailleurs, qu'on s'en rend le plus compte. Ça mouline. Ça mouline un peu trop. Ouais. Et vous êtes réveillé tout seul ou c'est un réveil que vous avez réveillé? Je ne dors plus, donc je ne me réveille plus. Vous avez des visions de nuit, parce que c'est Nocturama, c'est le titre du film. Et ben, exactement, je ne pensais pas que ce serait si prémonitoire. Et vous prenez quoi au petit déjeuner le matin? Je ne peux pas le dire à l'antenne. Pas de marque, on a dit pas de marque. Tom Villa, vous avez compris pourquoi Bertrand Bonello était notre invité? J'ai parfaitement compris, Nagui, pourquoi vous l'avez invité. Pour l'audience, car les sujets de prédilection de notre invité ce matin sont les mêmes qu'un homme politique: les prostituées, les artistes et les attentats. Bertrand Bonello, bonjour. Vous venez nous voir pour votre dernier film qui s'appelle Nocturama. Alors si on regarde un petit peu votre filmographie, dans La Polonie, Souvenir de la maison close, il y avait des filles à poil. Dans Saint-Laurent, il y avait des mecs à poil. Alors c'est vrai que quand j'ai vu votre nouveau film qui s'appelait Nocturama, je dois avouer que j'ai eu un petit peu peur au début. Hein, d'un coup, j'ai eu l'image d'une enseigne de boîte de nuit belge qui clignote en rose avec une backroom derrière. Et puis quand j'ai vu votre film parler de terrorisme, ça m'a beaucoup soulagé. Alors je trouve ça bien qu'on s'empare des sujets actuels comme ça au cinéma, comme le film là qui est sorti cet été, vous savez, là sur la stratégie du gouvernement pour 2017, Suicide Squad, formidable, vraiment. Alors le pitch de votre dernier film, Bertrand Bonello, Nocturama, des jeunes qui vont commettre un attentat. Donc voilà. Non mais je pensais que mon bizutage en fait allait avoir lieu à la première émission. Ben non, loupé, c'est pour la deuxième. Va faire marrer toi avec en invité Bertrand Bonello, qui vient pour un film sur des jeunes qui font un attentat. Alors je sais pas ce qui pourrait m'arriver de pire, si peut-être à la limite qu'il y ait un intermittent gauchiste qui bondisse au micro pour insulter le gouvernement. Ben, coup de chance, Christophe Alévèque n'est plus là cette année. Alors, non, c'est très important de le préciser, mais vous aviez cette idée depuis 2011, hein. Vous avez pas attendu que ça pète en France pour faire un film. C'est comme Batman versus Superman, ils ont pas attendu le burkini. Voilà, c'est très bien. Mais on peut pas s'empêcher que vous avez quand même le sens du timing. C'est vrai que c'est pas très étonnant que ça soit un sujet qui vous attire. Vous êtes né un 11 septembre à Nice. Voilà, il y a des signes. Et 68. Quand même. 68. Et tout pour que ça pète. C'est un cumul, ouais. Donc, moi j'ai trouvé comment donner envie aux jeunes d'aller voir un film sur des jeunes qui font un attentat alors qu'ils l'ont en gratuit tous les jours sur BFM TV. Bah déjà parce que c'est bien filmé. Bah c'est peut-être con à dire, mais c'est beau. Il y a des belles lumières, une belle réalisation. Sur BFM, c'est toujours mal cadré. Quand c'est pas des vidéos à l'iPhone, amateur. Et puis vous avez toutes les images. Je m'explique. Combien de fois sur les chaînes d'infos, les mecs mettent la photo d'une rue avec un barrage de police parce qu'ils ont pas la vidéo de ce qui s'est passé? Non, vous avez tout. Vous êtes sur le coup. Dans votre film non plus, pas de mecs qui témoignent pour dire ce qu'ils ont pas vu. Hein, vu que l'attentat était dans la rue et que son appartement, lui, donne sur la cour. Pas de témoignage non plus d'un ancien voisin du terroriste pour dire qu'il comprend pas parce qu'il était très gentil, discret et qu'il lui ouvrait la porte de l'ascenseur. Et puis, contrairement à BFM TV, il n'y a pas de mec en costard Armand Thierry avec une raie sur le côté qui parle au conditionnel en attendant qu'il se passe un truc. Dernière différence avec BFM TV, chez vous, pas de stigmatisation de communauté ni de religion. C'est vrai. Chez Bonello, il n'y a pas d'envoyés spéciaux devant une mosquée ou à Barbès. On ne stigmatise personne. Hein. Ceux qui font péter les bombes, ça peut être n'importe quel jeune. Mais en tout cas, s'ils sont passés par la Turquie, a priori, ils sont arrêtés au Club Med de Kemer. Après... Je dis jeunes, c'est pas des enfants non plus, vous attendez pas à les voir, les Goonies font un attentat. Non, chez Bonello, ce sont des jeunes vieux. C'est la génération Y, exactement. Pour ceux qui connaissent pas la génération Y, c'est ceux nés entre début 80 et fin 90. Je fais partie de la génération Y, Leïla aussi, oui. Daniel fait partie de la génération D. Richard Lornac de la génération Faucon, qui veut dire ah, mais en hiéroglyphe. Mais nous, la génération Y, tu m'étonnes quand on a envie de faire tout péter. Vous avez vu toute la merde qu'on a eue dans notre jeunesse? Tchernobyl, le Club Dorothée, le Sida, Loana et même des taratatas spéciales Toto, sans déconner. Bref, je sais pas si j'ai tout compris au film, Nagui, mais a priori, Nocturama, c'est pas l'histoire d'islamistes dans une backroom belge avec un journaliste de BFM TV, ce qui fait donc trois bonnes raisons d'aller voir ce film. Merci Tom. La bande originale, Nagui, sur France Inter. Non, c'est pas ça, mais ce sont en effet des jeunes, génération Y ou pas, on en parlera tout à l'heure avec Olivier Rollo qui est là pour nous parler de cette génération Y, mais ça commence... Ce film par un vrai moment de tension. D'abord, Paris est survolé par un hélicoptère. On a le sentiment, on se retrouve avec une bande son avec Apocalypse Now. Il manque plus que du Wagner parce que le bruit d'hélico, la force. Vous y avez pensé? Ah, évidemment, j'y ai pensé. Oui. C'est difficile de penser à l'hélicoptère sans penser à Apocalypse Now. Ouais. Non, mais j'avais envie. En plus, c'est une vision de Paris qu'on a très peu puisque les hélicoptères n'ont pas le droit de survoler comme ça. Donc voilà, c'est une espèce de plan large comme ça et après on va plonger sous terre. Et là, on va voir tous ces tous ces jeunes qui semblent extrêmement organisés. C'est un ballet métropolitain. On ne sait pas ce qui les guide, on ne sait pas où ils vont, on ne sait pas ce qui va se passer. Chacun va à un endroit différent. Certains se croisent, se décroisent, se retrouvent ensemble sans s'adresser la parole. Une réunion du Parti Socialiste. Ils n'ont pas de point commun, ni vestimentaire, ni d'âge, ni d'ethnie, ni d'origine, ni de taille, de poids. On ne sait pas ce qui les motive, mais ce qui est clair, c'est qu'ils ont décidé de tout faire péter. Et d'abord, la tension est d'autant plus forte qu'il n'y a aucun dialogue pendant... Alors, j'avais pas un chronomètre, heureusement, en regardant le film. Une bonne vingtaine de minutes. C'est ça. Il n'y a rien. Il y a juste une phrase. Je suis venu prendre une chambre qui est dite, mais on ne peut pas... c'est pas le plus grand monologue qui soit fait au cinéma. Cette volonté de n'avoir que les bruits de la ville avant d'avoir les premières explosions était pour non, donner mais c'est une force supplémentaire à la réalité. Oui, non, mais c'est surtout une volonté de, vu un sujet qui a quand même quelque chose de politique, de ne pas du tout passer par le discours, mais au contraire de passer par le geste, par l'action, par le trajet, en pensant quand même que l'action, l'acte, est quelque chose de toute manière de politique, et de tirer quand même le film vers un petit peu le film d'action, voir à certains instants le film de genre. Est-ce que c'est pas tant le pourquoi en fait qui est intéressant ou qui est exploité dans le film? Pourquoi ces jeunes gens décident-ils d'agir puisque leurs motivations sont pas transparentes? En tout cas, on peut pas sortir de ce film en se disant voilà, leur motivation vient de là, c'est une lutte contre le capitalisme. On sait pas, même s'il y a des symboles qui sont visés à travers les attaques, c'est surtout comment est-ce qu'ils s'y prennent, comment est-ce qu'ils s'organisent pour agir. Oui, parce qu'en fait, quand on voit les symboles visés, le pourquoi il est un petit peu induit à l'intérieur de ça. Mmh. Il me semblait pas nécessaire d'avoir toutes ces conversations qu'on peut déjà entendre, enfin qu'on a déjà entendu, même dans votre. Il y a même une phrase qui est dite à un moment donné dans le film, c'est il fallait bien que ça arrive un jour, il fallait bien que ça pète. Voilà, ça c'est une phrase qui vient pas d'un des jeunes, mais c'est à un moment une rencontre avec Adèle Haenel, et ce que dit Adèle. À vélo sur un banc. Parce que je connais un petit peu Adèle et je sais que si ce genre de choses arrivait, elle prendrait son vélo pour aller voir de près. Voilà, c'est pour ça que je demandais de faire la séquence, mais c'est un peu moi qui parle à travers elle, c'est-à-dire en effet vous l'avez dit, j'ai pensé au film en fait en 2010, et j'y ai pensé pourquoi, parce que moi mon ressenti du monde contemporain c'est une tension tellement palpable qu'à un moment je me dis ça doit arriver, quelque chose va péter. Après moi je mets ça en effet totalement du côté de la fiction avec de la mise en scène et un scénario, et en aucun cas je m'amuse à faire un parallèle avec l'actualité. Alors comme l'a dit Leïla, on ne sait pas pourquoi mais on voit comment en tout cas ils s'y prennent pour tout faire péter et semer la panique dans la ville, à Paris en l'occurrence, et qui est pas une, vous avez dit dans une interview, qui n'est pas une ville facile à filmer. Non, non, pour plein de raisons. C'est à la fois une ville absolument magnifique, et puis de par son architecture, etc. Quand on met un cadre de cinéma, eh ben on n'a plus le ciel, on a des murs gris, on a des poubelles vertes, on a beaucoup de travaux. Enfin, c'est une ville qui est à la fois magnifique et puis un petit peu des panneaux, des publicités, c'est ça. Ouais. Et ben voilà. Une signalétique de rue. Très présente. Ouais. Donc ils se retrouvent parce que le film est en deux temps. Il y a une partie extérieure et une partie intérieure. Il y a ce monde extérieur qu'ils veulent faire péter, puis il y a un monde dans lequel ils vont se refermer. Qui est un grand magasin, mais qui symbolise justement tout, le pognon, le capitalisme, et finalement ce qui pourrait être le rêve d'une société de consommation, se retrouver enfermé dans un grand magasin, avoir accès à tous les rayons, que ce soit à l'épicerie, jusqu'aux fringues, les pompes, un cart. Je savais pas qu'il y avait des cartes dans les grands magasins. C'est un grand magasin, c'est de pas luxe, une grande surface, attention. Ouais. Voilà, c'est un grand magasin de luxe. C'est une épicerie, mais une épicerie fine. Les vêtements, il y a quand même toute une esthétisation. Il y a du placement de produits hein, quand même. Il y a une marque de sport célèbre à la vague. Il y a plein de créateurs. Il y a du placement de produits. En même temps, on a demandé à beaucoup de marques de nous aider. Il y en a qui ont dit non, il y en a qui ont dit oui. Enfin, belle robe de mariée. Ils ne nous ont pas payé. Hein, D'accord. Oui, mais ils ont donné l'autorisation. D'accord. Ils sont donc pris un peu aussi à ce propre jeu. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent enfermés dans un monde alors qu'ils voulaient au contraire faire péter ce monde. Et puis, ils sont aussi attirés par la facilité de se servir, de pourquoi pas se faire un bon repas, de pourquoi pas piquer des montres et retomber dans cette société de consommation qu'ils avaient l'air de vouloir faire péter en disant on aurait dû faire péter Facebook, le MEDEF, hein, je crois. C'est, oui, tout à fait. Et donc ils sont cités, c'est-à-dire ce qui symbolise le capitalisme et la société de consommation. Non, mais je sentais que voilà, on n'est plus en 1972 où les lignes idéologiques étaient extrêmement claires, 40-45 années ont passé. Donc si je m'en tenais à ma première partie de film, on a un film un peu peu programmatique, mais qui me semble pas très très juste avec ce qu'on vit. Avec, donc j'avais envie de lui mettre une, enfin j'avais besoin en fait de lui mettre une seconde partie qui vienne contraster, qui vienne rajouter une ambiguïté, et que cette ambiguïté soit aussi un petit peu le reflet de l'ambiguïté du monde dans lequel on vit, qui peut aussi fabriquer et du terrorisme et du capitalisme, et justement et qui est dans lequel les lignes de pensée sont beaucoup moins claires que ce qu'elles étaient. Oui, où on est très contradictoire, où on peut être très opposé au système capitaliste et par ailleurs dans le discours et même dans certaines de nos actions, et par ailleurs consommer et fermer les yeux et être fasciné par le luxe, notamment là qui est mis en scène de façon assez magistrale. Il y a une phrase qui est dite par l'un de vos personnages dans le film. Ils ne parlent pas beaucoup globalement, ces personnages, qui sont d'ailleurs à 50% vrais comédiens, à 50% amateurs, mais performants en tout cas, parce que tout est juste dans le film, je tiens à préciser, parce que souvent il y a des réalisateurs qui disent non, mais j'ai fait tourner des non-comédiens. Ouais, bah ça se voit. Là, en l'occurrence, c'est bien, ça colle à la réalité. C'est même ça qui fait peur aussi, c'est de se dire, ça pourrait être, si on est papa, ça pourrait être l'un de mes enfants, ça pourrait être mon voisin, ça pourrait être le Tom Villa, puisque génération Y, pourrait être le voisin du coin. Il y en a qui sortent de Sciences Po ou qui sont étudiants à Sciences Po, donc on ne se dit pas non plus que c'est des gens qui sont rejetés par la société, ils sont même dedans et partie prenante de la société, d'autres peuvent éventuellement chercher du boulot, mais en effet on n'a jamais le pourquoi. Mais le pourquoi pour vous n'est pas important parce que ça pourrait être n'importe quoi. C'est surtout parce que j'avais envie, je voulais pas pointer une chose plutôt qu'une autre, parce que là tout d'un coup si on pointe... Donc pas de politique, pas de religion, pas de... Voilà exactement, si on pointe... Pas de supporters du PSG, pas de trucs comme ça, non. Ah ça j'aurais peut-être pu. Là ils sont énervés en fait. Non mais si je pointe quelque chose c'est déjà le raisonner, et je voulais quand même qu'il y ait aussi quelque chose d'irrationnel et d'irraisonnable. En revanche, j'avais envie de dire que c'est un sentiment, comme je disais tout à l'heure, très très général. C'est ce côté très diffus et général que je voulais montrer en fait. Et qui touche toutes les strates sociales, toutes les origines. Pour des raisons différentes, hein, pour des raisons différentes, mais avec des raisons différentes, il peut y avoir une rage commune. On a fait, on va faire un truc dément et on ira donc au paradis parce que c'est un truc dément que personne n'a jamais fait. J'essaye de retrouver la phrase. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Ouais. C'est peut-être une solution pour une nouvelle cohésion sociale d'organiser du terrorisme. Merci Daniel. J'essaie de trouver des solutions moi. Alors maintenant, si on met des bâtons dans les roues, j'y arriverai pas. Je crois pas que ce soit des solutions, mais cette notion de on va faire un truc dément, on ira au paradis. Pardon, alors moi, cette phrase, je vais tuer ou je vais me faire tuer, j'irai au paradis. Là, on a l'impression de retrouver les terroristes islamistes et qui se disent allez, je vais me sacrifier, je m'en fous et finalement, je ne tiens pas à ma vie. Non, vous avez raison, en même temps c'est un personnage sur 10, donc ça me semblait tout à fait cohérent qu'au sein de 10 personnages il y en ait un qui tout d'un coup ait cette espèce de flash, et tout de suite après il y a un ami à lui qui lui répond, enfin c'est une scène qui se clôt quasiment dès qu'elle se commence, qui lui dit non mais attends, mais en Irak on voulait envoyer des ânes pour déminer, ils ont dit non, on a envoyé des gamins en leur disant, eh ben, grâce à ça vous allez au paradis, donc tu vois ton paradis ce que j'en fais. Donc c'est une scène qui se termine presque dès qu'elle commence. C'est fort cette anecdote de l'âne qui veut pas aller sur... Elle est vraie, je l'ai pas inventée. Hein. C'est triste et horrible à la fois. L'âne a le sentiment que s'il y va, il se tue, il ne veut pas y aller. Et le gamin, il va parce qu'on lui promet le paradis. Voilà, c'est ça. Donc c'est une scène en fait assez critique, beaucoup plus qu'autre chose. Oui. Et la musique est très présente. Vous êtes musicien de formation, pianiste, clavier. Vous avez écrit la BO de votre film dans la première partie à l'extérieur. Et la deuxième partie devient, puisqu'on est à l'intérieur, ils ont accès donc à toutes les enceintes du grand magasin dans lequel ils sont. Et là, ça y va. Et là, vous vous lâchez. Et les titres, ils sont pour quelque chose aussi. Il n'y a pas que c'est I Don't Lie, par exemple. C'est oui, évidemment. Je ne mens pas. En plus, c'est un titre qui a été écrit en prison par Chief Keef. Ouais. Ça a été un tube pendant qu'il était en prison. Donc ça raconte. Enfin, chaque morceau choisi raconte quelque chose. Mais enfin, quand vous dites je me lâche, oui, mais c'est aussi parce que eux ils se lâchent. J'avais envie que eux puissent se lâcher. Alors et je me donc, suis dit, ils y vont. On va avoir une grande partie un peu de R&B, de soul et de hip hop et de rap. Pas forcément. Un jeu de tête et de cheveux phénoménal, très féminin. Ouais. Mais voilà, Blondie, ça c'est un peu vous. Ce sont mes choix. C'est pas la musique de la génération non, Y. Ce sont mes choix. Ça fait partie de l'écriture du scénario parce qu'à chaque instant que je mets un morceau, je sais à peu près ce que je veux que ça raconte. Ceci dit, sur mes jeunes, là, des fois, je leur demandais ce qu'ils écoutaient, etc. Et c'est pas des choses très très. Je pensais qu'ils allaient me faire découvrir des trucs. Et en fait, c'est plutôt des choses un peu ensemble. Si vous demandez à Tom Villa, hier, nous avait une révélation sur ses deux chanteurs préférés. Si j'avais été dans le grand magasin, meilleur ami du Eddie Mitchell et du Michel Jonas. Voilà. Ben voilà. Voilà, comme quoi. Et là, moi j'ai mis Blondie et puis Shirley Bassey. Moi je suis plus, ouais. J'aurais pu le mettre aussi, hein, ça va. Bravo. Comme si cette émission avait été montée, tout est préparé. Rapidité, agissement. C'est Eddie Mitchell, ça ? C'est Shirley Bassey. Et cette scène de descente de l'escalier. C'est du cabaret, ouais. I'll state my case. Et alors, que viennent faire dans tout ça ? Amicalement Votre, remixé par un groupe que je connais pas, mais j'ai envie de découvrir le TV Sound. Ouf, ça, ouais. Ça, j'ai mis deux fois Amicalement Votre. Une fois l'original de John Barry. Ah, voilà, ça c'est l'original. Ça c'est l'original de John Barry. Et après, un remix d'un. Et un DJ, remix un petit peu cheap, mais que je trouve hyper touchant en même temps. C'est, je sais pas, c'est un truc des années 80, j'imagine, avec des petits synthés. Mais excusez-moi, ça s'appelle Amicalement Votre en français. Il y a des mecs qui viennent de te faire péter tout Paris. Il y a le GIGN qui est en train de leur courir après, et vous passez Amicalement Votre. Justement, elle est où c'est la vanne génial. Je sais. Mais c'est le dernier morceau qu'on entend dans le film. La fin du film est proche, leur fin est aussi assez proche. Et j'avais envie qu'il y ait un moment, il y a un morceau qui passe, qu'ils mettent eux-mêmes, qui les ramène vraiment à l'enfance, et d'avoir un contrepoint avec cette fin, bon, relativement difficile, ouais. et la nostalgie de l'enfance. Et puis il y a votre musique, donc celle que vous avez composée, parce que vous avez la chance de pouvoir faire votre propre BO, ce qui est un luxe, j'imagine. Et dans cette première partie, on est dans des... alors ça dépend, j'espère que vous étiez dans une bonne salle de projection, parce que la vibration des basses, les fréquences... Oui, il y a beaucoup de sub-basses, d'infra-basses. Ah ouais, ouais. C'est génial. C'est ce qui m'a pris en fait le plus de temps sur cette musique, c'est le mixage, j'ai trouvé les bonnes fréquences de basses pour avoir de la pulsation, comme ça, oui. Vous saviez que ça allait faire évidemment polémique quand vous avez commencé à écrire le premier pitch du film ? C'est pas comme ça que je réfléchis. Après, je me suis dit, bon, comment ça va être perçu? Mais moi, j'essaie vraiment de rester à l'endroit de mon film et de faire le meilleur film possible. Je pense pas que si on commence à penser à la polémique quand on fait quelque chose, on fait plus rien. Il y a eu plusieurs titres prévus. Même avant Paris est une fête, il y en avait un autre aussi qui avait été prévu. Ah, vous êtes bien enseigné. Prévu. Le premier titre, c'est Please Kill Me. Et j'avais pensé à ça parce que c'est le titre d'un ouvrage assez génial sur le punk américain. Ouais. Et comme j'avais envie que le film ait aussi cette idée du geste un peu punk comme on a eu en 75-77 à Londres, j'étais parti là-dessus. Après, tout d'un coup, je me suis dit non, il me faut un titre français, et donc là le film s'est appelé Paris est une fête, mais qui est d'Hemingway. Mais dont j'aimais bien qui aime bien Paris et qui est pas très français, mais ça c'est tout à fait vrai. En revanche, quel beau titre, absolument, mais qui était plus possible, tellement beau titre, quand justement il a été pris comme symbole de rassemblement post 13 novembre, et comme pour moi il était hors de question de faire un lien entre mon film et ce qui s'est passé en 2015. Pour ne pas faire de la récupération, parce que vous en êtes loin. Et donc vous avez pris un titre, Nocturama, qui là n'est plus un titre de livre, mais un titre d'album. Voilà, j'ai pas d'imagination, hein, je vais chercher chez les autres. Mais bon, quand les autres ont un beau titre, ouais. C'est Nick Cave, ouais. En effet. Ouais. Pas son meilleur disque, mais un très très beau titre, et que j'aimais bien, parce que il y a un endroit où ça déréalise un peu le film, et le film se déréalise aussi un moment, surtout dans la seconde partie. Ça appuie un peu le côté fantasmagorique, le rêve, le cauchemar, et donc voilà, Nocturama. Et grâce à vous, j'ai appris que Nocturama renvoyait à un endroit précis d'un zoo. Exactement, ça je ne savais pas. Moi, c'est Nick Cave qui vous l'a dit ? Oui, j'ai demandé l'autorisation d'utiliser ce mot, et il m'a dit, mais bien sûr, je suis flatté, mais tu sais, je ne l'ai pas inventé. Le Nocturama, en fait, c'est dans un zoo, c'est la partie qu'on construit pour les animaux nocturnes. Alors là, moi je trouvais que ça allait vraiment bien avec mon film. Et il y a maintenant des zoos que l'on peut visiter de nuit, ou voir la vie nocturne des animaux. Et vous entrez dans un Nocturama. Ouais, absolument. C'est un beau film qui, forcément, s'il dérange, c'est qu'il en vaut la peine. C'est toujours pareil, parce que ça serait un film dont on ne parle pas et qui ne dérange pas. Ce serait peut-être même inquiétant d'ailleurs de dire ça, mais ça fait poser beaucoup de questions. On ne sort pas totalement indemne de ce film, vous ne serez pas blessé, mais en tout cas ça va mouliner dans la tête, parce qu'on ne voit plus du tout les choses de la même manière. C'est pas parce qu'on est des Parisiens en voyant Paris blessé. À ce micro, je pense qu'il y a beaucoup de provinciaux aussi qui viennent travailler à Paris. Mais non, ce qui est touchant, c'est de voir à quel point, peut-être pas du jour au lendemain, mais en tout cas à tel point des personnes que l'on peut estimer, voir comme ça, totalement équilibrées, intégrées dans une société qui les a peut-être un peu trop négligées, ou en tout cas dans laquelle ils n'ont pas leur place, se retrouvent à se dire Il faut que ça pète, sans qu'on ait vraiment de raison. Il y a une... Moi, le seul message que je retiendrai dans cette histoire, c'est le danger des chaînes d'infos. C'est-à-dire que quand on voit que les terroristes sont devant leur écran de télé et ont les informations de ce que fait la police... En temps réel. On se dit c'est vraiment le tout info et la précipitation à vouloir donner le scoop avant les autres, c'est vraiment dangereux. Ça, je suis extrêmement d'accord. Ouais. Hein, c'est un des grands dangers. L'analyse trop rapide, l'info trop rapide. À un moment, les choses doivent demander du temps et de l'attention et il faut leur accorder, oui. Et réfléchir. Et ce film permet de réfléchir. Nocturama, c'est à partir de demain. Bertrand Bonello est notre invité. Lorsqu'on vous a dit qu'il était notre invité, Leïla, vous avez les oreilles qui ont sifflé. Eh ben oui, je me suis dit, ils veulent me faire plaisir, mes petits camarades de la bande originale. ils veulent vraiment que je reste, en fait, parce que Bertrand Bonello, c'est peu dire que j'aime votre cinéma. C'est un cinéma qui a des constantes, on en a parlé un peu, c'est un univers sexualisé. Souvent des huis clos, c'est le cas de la deuxième partie de ce film, où l'image est très très élégante. Moi j'ai des images de Nocturama qui me reviennent, notamment la statue de Jeanne d'Arc. Là il y a des plans qui sont magnifiques, je vois plus cette statue comme avant à chaque fois que je passe devant. La musique aussi, on en a parlé, qui n'est pas uniquement là pour illustrer, mais qui est un narrateur en tant que tel, qui se substitue à la parole, et ça c'est très très fort. Mon premier béguin en fait pour vous, Bertrand Bonello, c'est la Polonie de Souvenir d'une maison close. Et cette musique aussi, une musique qui était au générique, c'est la musique de Limosis, Bad Girl. This is a song about a bad girl. Something that happened to me long time ago. Everybody was telling me how a little girl was running around. Pour rappeler qu'on est dans des maisons closes. Une musique qui vous fait souvent verser une larme, on a déjà eu l'occasion d'en parler ensemble. Et ce film, La Polonide, moi qui m'a fait découvrir deux actrices qui incarnent des femmes de petite vertu et qui ont un talent qui n'a jamais été démenti depuis, c'est Céline Salette. Formidable. Et Adèle Haenel, qu'on aime beaucoup. Ce qui me plaît aussi chez vous, Bertrand Bonello, c'est qu'à chaque fois que je lis une interview de vous, j'en ressors avec l'envie de lire un bouquin. Et là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu envie de lire Antonio Gramsci. Cet intellectuel marxiste, fondateur du Parti communiste italien. Il y a une phrase qu'on attribue à Gramsci, que vous citez souvent dans vos interviews, puisque vous l'avez lu tout jeune. Oui, c'est une phrase qui, pour moi, m'a tellement aidé dans la vie. Il a dit « Il faut allier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté ». Ah ouais. Et je trouve ça vraiment très, très beau. Quoi. Je l'ai noté, Nagui, je vous la répéterai tout à l'heure. Le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté. De la volonté. Antonio Gramsci, je vous recommande Les Cahiers de prison, notamment, puisqu'il a été emprisonné très longtemps. Il est mort, d'ailleurs, en prison, exécuté. Et quand je pense à vous aussi, Bertrand Bonello, je pense aussi à une musique que vous n'avez pas eu la chance d'entendre cette année. Hélas. Voilà, Nocturama n'a pas été sélectionné à Cannes. Alors, c'est pas parce qu'on s'appelle Bonello qu'on doit être sélectionné automatiquement, mais quasiment tous vos films ont été présentés à Cannes, que ce soit en compétition officielle ou pour la quinzaine. Et il y a des choses un petit peu compliquées dans cette histoire, je trouve. Thierry Frémaux qui dit ne pas avoir vu le film. D'autres qui auraient pu être gênés par le contenu politique du film. Je crois qu'il a dit après qu'il n'avait pas voulu dire du mal, ou en tout cas dire qu'il n'avait pas été sélectionné. Oui, peut-être. Enfin, en tout cas, voilà. Ils ont voulu protéger le film en disant qu'ils ont fait d'autres choix, ouais. Pour des raisons que je ne connais pas, mais que je respecte certainement. Après, il vous a pas appelé. Non, on s'est pas parlé. Après, c'est des périodes un petit peu compliquées, les moments de sélection. Hein. Ouais, et puis le moyen de communication, les textos, tout ça, ça marche pas très bien en ce moment. Voilà, le portable, il y a pas de portable. Non, mais en tout cas, ça dit bien aussi un truc. On pense toujours que parce qu'on y a été, on va y aller toujours. Mm-hmm. Et il y a des fois des images qui traînent de gens qui ont la carte, pas la carte, des trucs. Bon, bah voilà, ça montre que non. Mais ça dit aussi autre chose. Ça dit aussi que peut-être le cinéma plus facile, plus accessible et donc un peu moins dérangeant d'une certaine façon à sa place dans ce genre de compétition. Moi, j'ai pas du tout trouvé le film dérangeant. Donc je me suis étonnée de ne pas vous voir à Cannes. Ça, c'est simplement. Pierre Lescure, c'est un salaud, Lescure. On va voir la bande originale de Bertrand Bonello, c'est-à-dire on lui a donné des dates qui nous avaient, nous, marqué dans votre vie, dans votre carrière, et vous nous avez donné les musiques que vous avez écoutées pendant cette période-là. Mais d'abord, voici la bonne, j'espère, la bonne, la très bonne humeur de Nora Hamzaoui. Chère équipe, chère Leïla, chère Nagui, chère Daniel, chère peut-être nouvelle personne qui rejoint la bande, mais ça, évidemment, je n'en ai aucune idée vu qu'on ne me tient jamais au courant de rien dans cette équipe. D'ailleurs, merci de m'avoir prévenu que c'était ma rentrée aujourd'hui. Bref, cette petite carte postale pour vous dire que je pense fort à vous. Je pense fort à vous depuis la plage. Entre deux baignades, je vous imagine errer dans les couloirs gris de Radio France. C'est un peu ma petite vengeance personnelle quand cet été, coincé chez moi à Paris, dans mon appart sous les toits en pleine canicule, je voyais poster vos photos de pieds déshydratés par le sable devant des vagues à l'autre bout du monde. Cette fois, c'est mon tour. À moi, les mojitos à l'apéro, les marques de bronzage et l'odeur de monoï chip en après-soleil. En plus, c'est tellement surfait pour vivre en juillet en août. Les vrais gens cool, c'est les septembristes. Eux, ils ont tout compris. Pas d'embouteillage pour aller à la plage, pas de queue interminable au carrefour du coin entouré de gens qui achètent du rosé en cubi, pas de plage bondée d'enfants qui te foutent du sable plein la gueule et le lendemain, t'as une conjonctivite. Pas de problème, le calme, le vrai repos, tu m'étonnes, y a plus rien ici, c'est mort. C'est tellement mort. On dirait que même la nature a compris que les vacances, c'était fini. Les amis, il fait nuit à 19h, c'est marée basse toute la journée, y a plus octogénaire sur la plage qu'à tous les concerts de Frédéric François Rayon. Même les pieds des gens sentent la rentrée. Ils se baladent tous en tongs avec leur vernis caillé, c'est d'une tristesse. Sinon, je passe mes après-midi à marcher sur la vase en attendant que la marée remonte. Je vous ai récupéré des petits coquillages en souvenir. J'ai hâte de vous les montrer à mon retour. À part ça, les gens qui n'habitent pas là à l'année, qui ont moins de 60 ans et qui sont en vacances comme moi sont très sympas. Par contre, ils veulent pas qu'on parle de la rentrée, ni de l'actu, ni de quoi que ce soit. J'ai pas le droit d'allumer la télé, ni d'écouter la radio. Pour le bien-être des septembristes, on doit tous faire semblant qu'on est en plein mois d'août, faire semblant que la vie n'a pas encore repris son cours. D'ailleurs, ils estiment tous que vous nous gâchez les vacances avec votre rentrée de merde. Autant vous dire qu'ils sont pas du tout au courant que je suis en contact avec vous, vous imaginez, sinon ils me buteraient. Là, je suis justement aux toilettes, en train d'enregistrer ce message en cachette. D'ailleurs, faut vraiment que je vous laisse. Faut que je vous laisse, le barbecue est prêt, ça fait une semaine qu'on s'enfile des saucisses à tous les repas alors qu'il commence à cailler le soir et qu'il pleut. Mais bon, on est obligé de se comporter comme si c'était encore les vacances. Allez, bisous. Et c'est, tout est vrai, ouais. Tout est tristement vrai. Donc, Nora dit, ah mais je savais pas que c'était déjà la rentrée. Elle est vraiment en vacances, mais elle a tenu à être dans cette bande originale. Merci Nora, nous avons la bande originale, Lady, sur France Inter. Bertrand Bonello est notre invité. Il signe Nocturama qui sera à l'affiche à partir de demain. C'est une sortie d'ailleurs en termes de distribution qui vous convient. Le nombre de copies, je sais pas. D'ailleurs, je me pose la question sans trop savoir ce que ça veut dire. C'est la, j'imagine, la présence en France du film. Oui, après, c'est toujours une mathématique un peu délicate. Mais il ne faut pas sortir trop gros parce que sinon, après, on disparaît. Donc, il faut se retrouver le bon nombre de copies. Là, je pense qu'on est plutôt très bien. Ouais. Vous êtes content? Oui. Et de la période aussi, c'est-à-dire de, que ça... Il y a tellement de films, je ne sais pas que maintenant ce que c'est une bonne période, une mauvaise période, voilà, c'est le 31 août, c'est la rentrée. Faut y aller, faut y aller. D'accord. En 1986, Bertrand Bonello était surtout musicien. A lot of people won't get no supper tonight. A lot of people won't get no justice tonight. The battle is getting hard. Et vous écoutez les Clash, Armageddon, disons Armageddon, on y revient, hein. Armageddon Time, c'est ce que vous avez choisi. Vous étiez dans, où en 86, vous faisiez quoi? Alors 86, c'est mon arrivée à Paris. À Paris, bac en poche. Bac en poche, je viens de Nice où j'ai un espèce de groupe de punk rock. Et on vient à Paris pour, voilà, pour essayer d'en faire quelque chose. Et vous avez fait des concerts au Théâtre de Verdure, des trucs comme ça, ou vous étiez... Non, parce que je suis vraiment parti vers 17 ans, donc voilà, l'idée c'était vraiment d'aller à Paris, comme on dit. Et c'est vrai que la rencontre avec les Clash à 15-16 ans, bah, voilà, c'est énorme, quoi. Alors la musique ensuite a eu beaucoup d'importance. Vous avez une formation plutôt classique. Totalement classique. Totalement, ouais. Classique, piano. Vous jouez du piano, mais vous avez ensuite accompagné des artistes comme Carole Laure, Daniel Dard, Françoise Hardy. Là on est quoi? On est requin de studio, on est, voilà, voilà, je suis même passé quelques fois à Taratata derrière des gens. C'est vrai. Et oui, je pense que je crois De Palmas, non? De Palmas, ouais, Elliot Murphy aussi, j'ai été venu faire un peu d'orgue sur votre plateau. C'est cool. Il avait été sympa, Nagui, ou non, On passe à autre chose. Non, mais c'est intéressant comme question. Oh, moi, j'étais en retrait, hein, justement, le requin studio. On est derrière, on essaie de bien jouer. Ça veut dire non, il n'a pas été sympa, mais je suis poli comme il m'a invité aujourd'hui. Je ne vais pas dire. Mais Nagui, c'est pas vrai. Nagui, tout le monde avait compris. Tout le monde avait compris. Oui, mais il décrypte, c'est tout à son honneur. Pas de problème. Hein. 1993. You were standing in the middle of an open road. I had a dream, Joe. Your hands raised up to the sky. Your mouth was... Voilà ce que vous écoutiez en 93. Et je veux dire que j'écoute toujours. Nick Cave. C'est Nick Cave, en effet, c'est peut-être le musicien qui me touche le plus. J'imagine PJ Harvey aussi, enfin vous aimez cette... Oui, après elle l'a quitté, donc j'en ai beaucoup voulu, il a été très malheureux. Elle vous a trahi. Mais il a fait un bel album de rupture, donc ça va. Non, mais c'est quelqu'un que j'ai dû voir 18 ou 20 fois sur scène, et que je trouve toujours dément, et je crois qu'il y a un album qui sort là d'ici une quinzaine de jours, voilà, j'attends. Avec impatience. Vous signez en 93 votre premier court-métrage. En fait, vous vous lancez dans le cinéma, mais la fleur au fusil, sans mauvais jeu de mots, avec Docteur Hamas, savoir où vous allez. Sans trop savoir, sans trop connaître. Mais quel est le moteur ? Quel est le moteur ? C'est que je dois avoir, je ne sais pas, 24, 25 ans, et qu'à un moment, je remets un peu dans le contexte, à l'époque, il n'y avait pas toutes les home studios, on ne pouvait pas être autonome comme ça en musique, et je m'ennuyais un petit peu, en fait, j'avais un peu peur. Et donc je lui dis, tiens, le cinéma, ça doit être pas mal, et comme j'avais gagné avec une longue tournée un peu d'argent, ben, je me suis payé un court-métrage, et ça a été mon école. Mais parallèlement à ça, vous continuez de jouer justement avec les Daniel Darc, les François Hardy et autres de Palmas. Oui, parce que c'est difficile de refuser certaines choses. Et puis j'ai quand même continué la musique, mais je me suis vraiment déplacé vers le cinéma. Et un court-métrage sur un metteur en scène polonais. Oui, alors je dois dire que ce court-métrage, j'ai détruit toutes les copies. Il reste une copie 35 dans ma cave qui a une porte blindée, donc ça va. Non, mais c'est mon premier film, ouais. C'était une manière d'apprendre, etc. Mais en pourquoi effet, ce personnage ? Pourquoi cet homme ? Il m'avait assez touché comme metteur en scène, donc j'avais envie un peu de travailler sur lui, et puis il est mort. Donc en fait, le court-métrage s'ouvre sur l'annonce de sa mort à ses comédiens, et après ça devient une fiction. En 2002, voilà ce que vous écoutiez. La nonchalance, il y a beaucoup de guitareux dans ce que vous écoutez pour un clavier. Oui, je sais, mais c'est peut-être le fantasme d'être ailleurs, de voir de ceux qui font ce que je ne sais pas faire. Il y a beaucoup de grands chanteurs aussi, parce que c'est aussi la passion pour les voix, et dans le cas de Cohen, oui, en effet pour les textes. Leonard Cohen, Lover, Lover, Lover. Alors, vous écoutez ça en 2002, et en 2002, en termes d'amour, c'est plutôt la pornographie que vous allez filmer, un film sulfureux, le portrait d'un réalisateur vieillissant. Pardon ? La pornographie, c'est pas... Oui, enfin, le pornographe, en tout cas. Le pornographe, voilà. Oui. Mais c'est aussi un film sur la solitude, et c'est pour ça que je pense que j'écoutais beaucoup Leonard Cohen à ce moment-là. Ouais, voilà, je trouvais des liens entre Jean-Pierre Léo et Leonard Cohen. Lesquels, en l'occurrence ? Ces espèces de figures assez démentes, chacun, enfin, dans l'histoire de la musique et dans l'histoire du cinéma, auxquelles on n'a pas vraiment accès, mais qui nous ont beaucoup, beaucoup accompagnés. Votre cinéma, comment vous le qualifieriez d'ailleurs de déroutant, c'est-à-dire le choix de vos sujets et les domaines sur lesquels vous allez, que Tom Villa avait délicatement présenté en ouverture d'émission. Mais... Ah, c'est toujours difficile de se qualifier soi-même. Hein. En revanche, je m'aperçois maintenant, après 7 films, je commence à voir un peu des textes rétrospectifs. Oui, c'est vrai, en effet, la marge, par exemple, c'est quelque chose qui m'intéresse peut-être un peu plus que le centre. Voilà, je m'intéresse à ces figures, c'est vrai. Et on retrouve finalement les racines punk de votre musique, dans votre comportement, dans ce que vous voulez faire, sûrement, la manière dont vous sûrement. Le faites, dont vous le dénoncez. Mais ce qui vous construit, même entre y a 16 et 25... Une esthétique beaucoup plus travaillée, léchée que les punks qui sont plutôt dans le no-futur et déchirés. Et dans le brut, oui. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a quand même cette chose qui m'a construite et qui ne m'a pas lâchée, d'abord à travers la musique, puis après, vous citiez Gramsci à travers certains livres. On parlait de la marginalité. Oui, c'est vrai, c'est quelque chose qui est resté très fort. En 2014, vous écoutiez... On sent qu'avec l'âge, il a plus envie d'aller en discothèque pour pécho Screddy. Patty Austin, Didn't Say a Word, en 2014. Cette musique, vous l'écoutiez par exemple sur le tournage de Saint-Laurent ? Oui, et elle est d'ailleurs dans le film. Ouais. Bon, moi j'ai une vraie passion pour la soul, pour la Northern Soul, pour ses voix en fait. Et Patty Austin, aussi inconnue soit-elle, enfin c'est un morceau absolument, absolument dément. Quoi. Donc j'ai toujours beaucoup écouté ça, et en particulier pendant la préparation et le tournage de Saint-Laurent, puisque j'essayais de retrouver un petit peu l'ambiance qu'il y avait dans les boîtes comme le 7 et le Palace entre 72 et 74. Cette histoire de Saint-Laurent avec le film officiel, le film qui n'est pas officiel, celui qui est cautionné, qui n'est pas cautionné, celui qui a les vrais fringues, qui n'a pas les vrais fringues, enfin, c'est les deux qui tombent en même temps, tout ça, c'est... C'est une histoire compliquée, ouais. Évidemment, c'est déjà que faire un film c'est difficile, si en plus on a des à côté compliqués, bon après c'est comme ça, moi je suis toujours du côté non officiel de toute manière, mais ça me va très bien. Et c'était votre plus grosse production ? Oui, c'était la plus grosse production. Il y avait quand même un film d'époque, beaucoup de choses à... Et puis, comme vous dites, on n'a pas eu les vrais costumes, donc il a fallu tout refaire, chaque costume. C'était pas un reproche, hein, c'est justement au contraire des... Non, mais ça fait partie du travail. Des bâtons dans les roues, quoi, c'est ça. Des bâtons dans les roues, puis finalement, qui donne aussi de la liberté, parce que quand on est non officiel, on est libre de faire ce qu'on a envie de faire. Et ces costumes, par exemple, qui étaient devenus des pièces de musée, ben, moi, en les refaisant, ben, j'ai pu leur redonner aussi un sentiment un peu vivant. Vous n'avez pas totalement vous avez le talent, mais pas forcément le bol, parce que lorsque vous avez proposé Nocturama à l'avance sur recette au CNC, et preuve encore une fois que tout avait été écrit bien avant les attentats de Charlie Hebdo, c'était trois jours après les attentats. C'était 3-4 jours après, oui. Oui. Alors évidemment, c'est. Là, il n'y a pas de débat. On n'a pas le temps d'écrire un film en 3 jours, de monter un dossier, de le déposer au CNC et de passer en commission 3 jours après les attentats, mais. Ça voulait forcément condamner l'aide du CNC. En tout cas, ça rend, et je comprends, enfin, ça rend le jugement sur le film en tant que film difficile. Et en même temps, c'est ça le travail aussi, hein, c'est de voir un film en tant que film. Donc il a été difficile à monter celui-là ? En fait non, parce qu'à part l'avance sur recette, moi je vous avoue que tous les partenaires financiers nous ont donné un soutien assez immédiat et très fort, jugeant quasiment le film d'autant plus essentiel. Donc en fait il s'est monté assez simplement, malgré le fait que ce soit quand même un film qui coûte assez cher, un assez gros budget pour un film d'auteur, et donc on a commencé le financement en janvier et on était en tournage au mois de juillet. Nocturama, le film de Bertrand Bonello. Bertrand, vous êtes notre invité et on voulait inviter également Olivier Rollo pour parler de cette génération, la génération Y. Alors, est-ce qu'on appelle la génération Y ? Bon, bonjour d'abord, bonjour. Olivier. Est-ce qu'on appelle génération Y parce qu'elle vient après la génération X ? Il y a le livre de Copland, génération X, puis il y a le côté écouteur aussi, vous voyez, fait Y. Et Y, ça veut dire, c'est Y en anglais aussi, donc génération qui se pose des questions. Donc les écouteurs que l'on a dans chaque oreille avec le fil qui pend au milieu forment la lettre Y. Voilà, c'est une des raisons. D'accord. Je préfère le why. Le why. Why. Pourquoi ? Parce que cette génération se pose des questions. Alors, si je vous ai bien lu, cette génération a bien compris que l'ère du plein emploi était terminée. Elle a compris, oui. Elle a bien compris. Je pense qu'elle a saisi. Elle n'est pas forcément née avec le digital, mais en tout cas, elle a grandi avec, elle est totalement digitalisée. Elle est en train de remettre en question et en cause l'autorité, que ce soit à la fac, le prof, que ce soit à la maison, les parents. Au boulot. Au boulot, ou l'autorité politique. Et elle se cherche. Elle se cherche. Et si on parle de génération Y, si on s'y intéresse, c'est que les entreprises ont eu du mal à intégrer ces jeunes. Alors, je ne sais pas comment ça se passe ici, hein, comme vous faites, Nadine, avec vos Y. Je prends des Y de temps en temps, hommes et femmes. Est-ce que vous pouvez préciser cette phrase quand même, je prends des Y de temps en temps, je veux pas. Je les invite à parler à l'antenne. Merci. Il a pris tellement de X, il a plus de place. Parce que quand vous dites ils sont révoltés contre leurs parents, en fait non, les parents leur ont plutôt tout donné. Et c'est un peu leur problème dans la vie, c'est qu'ils ont été élevés finalement, ils ont été adorés, aimés. Ils ont été désirés. Qu'ils ont parti d'une génération qui pouvait maîtriser la contraception, voilà. Et la naissance. Donc on leur a tout promis finalement. Et finalement, quand ils ont 15, 17, 20 ans, ils se rendent compte que la société ne leur doit rien finalement, que la société ne sait même pas trop quoi faire d'eux. On peut les définir comment ? Quand je dis digital, vous les définirez comment ? Si vous aviez 3-4 adjectifs à donner à cette génération ? Curieux, internationaux, désenchantés. Trois adjectifs, ils voyagent, ils connaissent le monde, ils ont peur de rien. Simplement, ils ont l'impression que les sociétés occidentales, et particulièrement la France, ne leur donnent pas en retour ce qu'ils méritent. Ils ont été très bien éduqués, c'est la génération la mieux éduquée de tous les temps. Les parents les ont adorés. Vous citez même Michel Serres dans votre livre en disant que c'est une génération qui a plus de vocabulaire que les précédentes. Oui, bien sûr. Ce qui est paradoxal, alors que je rappelle, c'est une génération qui écrit « t'inquiète, TKT ». Pas tous, non, déjà. Non, c'est plus la génération Y, je pense. Non, Tom Villa, tu écris « t'inquiète, TKT ». Bien sûr, et pourquoi PK, bien entendu. Elle a plus de vocabulaire, elle a plus de... Bah, parce qu'elle voyage et qu'elle est multiculturelle, qu'elle vit... Ouais. En France, on vit avec des centaines de nationalités autour de soi, enfin surtout à Paris. Donc on vit très différemment et on a l'impression quand on est jeune aujourd'hui, quand on a plus de 18 ans, on se rend compte que finalement, on n'a pas en retour ce qu'on espérait. Et bah, ça peut générer de la révolte. Alors après, le film, c'est la révolte absolue. Alors justement, Bertrand Bonello, quand vous avez casté des jeunes de cette génération Y pour jouer dans le film, c'était plus une discussion et un échange d'idées qu'un véritable casting en jouant telle ou telle scène. Mais enfin, vous avez dit dans une interview que les idées qu'ils avaient, vous les retrouviez dans le film. Que vous, oui, c'est vous rassurez sur la justesse en fait, du film. Moi, j'ai écrit ce film à mon bureau, à mon âge, avec un espèce de fantasme un peu comme ça. Et puis après, on descend un petit peu à la rencontre de ces jeunes. Donc j'ai rencontré, j'en sais rien, peut-être une centaine. Et je leur ai pas fait lire le scénario. Je les ai beaucoup écoutés, je les faisais parler. Et à un moment, par exemple, je leur disais, ben voilà, si c'est Noël et que tu peux faire sauter quatre choses dans Paris, qu'est-ce que tu choisis? Et je m'aperçois que j'étais pas très très loin. En effet, ils insistaient beaucoup plus. Alors ça, je l'ai pas mis dans le film. Vous avez pas proposé de faire autre chose pour Noël que de faire sauter Paris? Bah non, c'est ça Noël, voilà, c'est okay, ça. Okay, ils insistaient beaucoup plus, en effet, sur les chaînes d'infos. Ça, c'était très agressant pour eux. Ouais. Alors justement, cette génération, est-ce qu'elle s'estime, Olivier Rollo, elle s'estime une génération sacrifiée? C'est-à-dire qu'elle a le sentiment de ne pas avoir sa place, de ne pas être assez entendue? Disons qu'aujourd'hui, on se rend compte que tous les jobs qui ont été créés aux États-Unis, dans le monde occidental, on va dire, reviennent aux plus qualifiés. Donc ceux-là s'en sortent à peu près, même si souvent ils ont besoin d'aller travailler à l'étranger. On dit qu'il y a à peu près un quart des étudiants d'école de commerce qui vont travailler à l'étranger après leurs études. Mais il y a tous ceux qui n'ont pas de ça, qui n'ont pas vu l'international, qui n'ont pas pu voyager, qui sont un peu la génération Y sacrifiée. Pour ça, dans le film, on a toute cette génération qui a les mêmes problèmes, qui se retrouvent, mais après, il y a forcément des strates différentes. Enfin, c'est pas du tout la même chose d'être sacrifié quand on sort d'une grande école et quand on a pu même pas réussir son BEP. Et c'est le petit-fils de Deleuze, d'ailleurs, qui incarne... Tout à fait, vous êtes très très bien renseigné. Ouais, c'est le petit-fils de Deleuze qui incarne le personnage qui sort de Sciences Po, qui dénote, et justement s'il n'était pas dans ce groupe-là, on pourrait se dire, voilà, c'est quelque chose de sociétal, de lutte des classes, et là pas du tout. C'est le vrai petit-fils de Deleuze. Oui, mais je ne savais pas, merci pour l'information. Oui. Mais la comédienne aussi, il y en a une autre qui est étudiante à Sciences Po. Oui, tout à fait. Enfin, qui postule. Oui, c'est pas un contre huit, j'ai essayé d'équilibrer un petit peu. Oui. Olivier Rollo, vous êtes spécialiste de l'éducation, mais depuis 25 ans, que ce soit au monde de l'étudiant ou à l'étudiant. Là, maintenant, vous êtes au pôle communication Deadway Advisory, le premier cabinet... Ça sort le poids fictif, ça. Le premier cabinet de conseil de formation exclusivement dédié aux acteurs de l'enseignement supérieur et de la formation. Si je dis tout ça, c'est parce que je veux vraiment savoir quel est le rôle de l'éducation sur cette génération. C'est-à-dire, est-ce qu'elle a l'éducation, est-ce que nous, mais je parle des parents comme des profs, comme des médias, hein, avons bien fait notre travail de transmission et d'éducation auprès de cette génération? Ou qu'est-ce qu'on pourrait encore faire pour, ou qu'est-ce qu'il faudrait mieux faire? Pour pas qu'elle ait envie de tout faire péter. Parce voilà. Encore une fois, ceux qui sont bien éduqués, qui ont pu aller jusqu'au bout de leurs études et réussissent plutôt bien dans la vie, enfin, il n'y a pas un problème pour eux, mais il y a à peu près 120 000, 150 000 jeunes par an qui sortent avec le rien de l'enseignement supérieur, de l'enseignement en général. Et eux, ils sont vraiment sacrifiés. Ils ne sentent pas d'avenir. Alors après, ils s'en sortent plus ou moins, les petits jobs, etc. Donc on a un vrai problème. Pas global sur toute la génération, il y en a qui s'en sortent bien, mais sur beaucoup qui vont être sacrifiés. Non mais vous dites dans votre livre qu'il y a des étudiants qui vont à l'université donc, et qui suivent un cursus supérieur en termes d'éducation et d'études, qui peuvent très bien sécher un cours en disant bah, « c'est comme ça, j'y vais pas et j'ai rien à dire », alors que nous, dans notre génération, c'était plutôt « il va falloir qu'on trouve une excuse bidon, il faut qu'on va monter un fake pour pas se faire attraper, surtout que personne ne sache que j'ai séché ». Là, c'est pas une question d'éducation ou de rejet de la société. Ils sont totalement... Ils sont à l'université, c'est pas à la portée de tout le monde non plus d'être à la fac. Ouais, c'est souvent pour ça que j'interviens. C'est pour aider justement ces profs désabusés à faire revenir les étudiants en cours. Bah pour ça, pour les faire revenir, il faut leur enseigner autrement. C'est vrai que le prof sur une estrade qui donne un cours magistral pendant 3 heures, c'est fini quoi. Il faut de l'interactivité, il faut qu'on pose des questions, ouais, il faut des boîtiers interactifs. La promesse du boulot aussi, surtout. Étudier, travailler, vous aurez du boulot, ça c'est plus valable. Alors c'est un peu le problème, c'est qu'il y a beaucoup de formations Bac plus 5 qui ne mènent pas forcément au boulot. Vous faites sport, si c'est pour être vendeur chez, on ne doit pas dire de marque, mais si vous faites 5 ans pour... Bah, je crois que c'est Nike le partenaire du film. C'est pas super enthousiasmant d'avoir passé 5 ans comme ça. Voire plus à la fac. Mais bon, ceux qui, encore une fois, il y en a qui s'en sortent très bien, d'autres pas. Mais le vrai problème, c'est ceux qui sortent avec rien du tout. Et là, ils sont désabusés. Vous avez écrit ce livre en 2012. Ouais. En 4 ans, êtes-vous plus optimiste que votre livre ou moins ? Ah non, c'est sûr que... Il y a 4 ans, j'imaginais pas qu'un des problèmes qu'on aurait aujourd'hui, ça serait de gérer cette violence qui est apparue et qui en 2012 était quand même latente. Aujourd'hui, on a un vrai problème de violence. Enfin, il y a d'autres livres qui sortent bientôt justement là-dessus, sur la violence des jeunes. Ça devient un vrai problème et c'est une violence qu'on va retrouver de l'extrême droite à l'extrême gauche. C'est une génération qui va voter pour la première fois des présidentielles aussi ? Elle risque de voter comme le reste de la population. Enfin, il y a pas des, enfin, dans les dernières élections, on n'a pas vu des différences phénoménales entre la façon dont votaient les jeunes et le reste de la population. Vous avez un petit message d'espoir ? Non, le message d'espoir, c'est qu'ils sont super bien éduqués, ils ont envie de changer le monde, mais on leur dit, je me souviens, il y a 2 ans, il y avait un ministre qui leur disait, ah, c'est formidable, vous allez pouvoir changer complètement la société, et alors qu'on vous laisse plein de problèmes. Ah oui, c'est super sympa comme message. On vous laisse plein de problèmes, le réchauffement climatique, le problème de violence, non-emploi. C'est sûr qu'on leur demande beaucoup et ils n'ont rien demandé au départ. Vous l'avez vu le film, ouais, de Bertrand Bonello, vous en pensez quoi? J'ai adoré, je suis resté scotché sur mon siège pendant tout le générique de fin et ça c'est un truc... Vous n'avez pas regardé le film? Juste c'est ce que j'ai préféré, c'est le générique de fin. Alors là... La génération Y, c'est passionnant, même si c'est inquiétant, mais c'est passionnant en tout cas. C'est signé Olivier Rollo, Presse universitaire de France. Merci Olivier d'avoir apporté votre témoignage. Nous avons un autre spécialiste autour de cette table, c'est Daniel Morin qui a réponse à tout. Comment pensez-vous, Daniel, que l'on peut redonner et réenchanter cette jeunesse qui se sent perdue? Ah là là là là là là, Nagui, Monsieur Guy, pardon, je dois vous respecter comme vous le méritez. Monsieur Guy, ce n'est pas la bonne question. La vraie question posée par le film de Monsieur Bonello est comment finir avec la jeunesse? Voilà la vraie question. La jeunesse, Monsieur Guy, c'est l'enfer. Le jeune, au mieux, c'est un boulet. Au pire, c'est une menace. Regardez, dans le film de Monsieur Bonello. Et vas-y que je traîne avec ma bande, avec une seule idée en tête. Emmerder les adultes. Eh bien, bien sûr, certains, ils sont là à dire, oui, il faut les défendre, les jeunes, il faut les comprendre, ils souffrent de mal-être, ils ne se sentent pas inclus. Et patati, et patata. Mais est-ce qu'ils font des efforts? Je ne crois pas que la génération Y dise et patati et patata. Eh bien, vous les connaissez mal. Avec la voix de Jacques Chirac. Exactement. Notre jeune à tous. Est-ce qu'ils font les efforts nécessaires pour qu'on ait envie de les inclure? Hein? Eh bien, moi, je dis non. La réponse est non. Le jeune est désabusé par nature. Il ne trouve de salut pour échapper à l'ennui que dans l'obsession d'emmerder ses aînés. La solution, mon bon monsieur Guy, la solution, c'est d'en finir avec tout ça. Construisons un monde où le jeune n'aura pas le droit de parler, le jeune n'aura pas le droit de citer, le jeune sera au service des adultes, le jeune sera servile, obéissant, dévoué, sans ce rêve idiot de liberté d'expression et de monde meilleur. Car le monde est bon et les meilleurs se montrent quand le jeune se tait, quand le jeune ne pipe mot. Alors vous me direz, ah bah oui, mais il faut lui rendre sa liberté au jeune. Hein, on n'est pas des salauds quand même, on ne peut pas éternellement brider la jeunesse. Mais bien sûr qu'on n'est pas des salauds. Évidemment qu'on lui rend sa liberté au jeune. Je le sais qu'il faut le laisser s'exprimer. Et pour s'exprimer librement, on a besoin de récupérer ses libertés. J'en suis conscient. Eh bien, ses libertés, on va la lui rendre. Mais pour ne pas prendre trop de risques, on lui rend une fois qu'il est adulte. Voilà. Merci de dire moi. La bande originale, Nagui. Sur France Inter. Dans quelques minutes, il y aura le Je n'oublierai jamais de Bertrand Bonello, qui est notre invité et qui sort, qui a réalisé Nocturama, qui sortira demain au cinéma. Mais en attendant, voici encore du Bertrand Bonello qui accompagne De Palmas. Au clavier sur ce morceau. Mmh. Ouais, ouais. Bertrand Bonello. Il y a Nagui derrière qui gueule ou pas? Vous étiez en studio aussi ou que sur le live? Non, j'ai fait l'album et les concerts. Ouais. Bah, écoutez, si vous trouvez une fausse note, vous me dites quoi. J'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu de doute en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées. Ouh, ouh, ouh. chacun de mes parents. Erreur fatale, bien le temps des regrets. Je me dois dans un verre de larmes. J'étais sur la route toute la fin de journée. Je n'ai pas vu le doute en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la fin de journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées. J'ai fait mon malheur. J'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu le doute en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées. Sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu le doute en toi s'immiscer. Car j'étais sur la route toute la sainte. Donc l'orgue derrière, là, c'est quoi? C'est un farfisa? C'est un orgue à monde. Un orgue à monde. Ouais, je faisais beaucoup d'orgue à monde à l'époque. Ouais. Très bien. Vous avez gardé des contacts avec Gérald? Non, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. J'ai un peu... J'étais en pleine formule. Son dernier album est très très bon. Ouais, absolument, absolument. Et il sera bientôt dans ta radata. Gna gna gna. Je vais commencer toute ma phrase. Ouais, c'est gna gna gna, c'était pour Daniel Morin. Je vais commencer toutes mes phrases, Bertrand Bonello, par « Je n'oublierai jamais », à vous de les conclure comme vous l'entendez. Et c'est Richard Lanna qui nous accompagne. « Je n'oublierai jamais que dans ma maison d'enfance, il y avait... » Il y avait une communauté adulte que je voyais avec les yeux d'enfant et qui me semblait pleine de légèreté et d'intelligence, chose après laquelle je cours, je pense, depuis. Vous aviez le droit d'assister aux discussions des parents? Oui, je traînais comme ça, en plus étant enfant unique, on traîne, quoi. Tu veux me dire quelque chose, Leïla? Oui, je me disais qu'on allait parler de la Polonide, de cette maison de famille. Oui, cette maison s'appelait la Polonide. Je lui ai donné le nom d'une maison close, mais il ne faut pas imaginer... Oui. Non. J'ai... On va y revenir. Il n'y avait pas d'argent. On fait ce qu'on veut. Je n'oublierai jamais ma plus grande chance dans la vie. Finalement, c'est un peu bête à dire, hein, mais bon, j'ai quand même finalement réussi à faire globalement ce que j'avais envie de faire. Les films que j'avais envie de faire, de la manière dont que je... Ouais, c'est pas bête à dire, c'est au contraire. Non, ouais. Mais ça fait un peu bêta, mais c'est vrai que c'est quand même une immense chance, ouais. Et le passage à Taratata, non? Et profond. Je n'oublierai jamais ma plus grosse erreur professionnelle. Peut-être qu'on y arrive. Je n'oublierai jamais ma plus grosse erreur professionnelle. Je dirais, c'était il y a peut-être une dizaine d'années, à un moment, j'ai eu un fantasme un peu bêta de faire un film en anglais, donc un film quasi américain, et j'ai perdu 3 ans de ma vie, oui. Je n'oublierai jamais ma devise. Est-ce que vous en avez une? Alors, est-ce que je peux reciter Gramsci? Volontiers. Voilà, il faut allier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté. Je n'oublierai jamais ma manie pour... Ma manie... Je pense que je suis un petit peu têtu, je ne sais pas si c'est une manie, mais enfin, c'est ce qui me caractérise, paraît-il. Je n'oublierai jamais mon péché mignon. Mon péché mignon, la marmelade d'orange. Très bien, amère. Ah oui. Ah oui, très bien, très british. Je n'oublierai jamais le défaut que je déteste chez les autres. J'essaie d'accepter quand même les défauts des autres, parce que sinon on rejette absolument tout le monde. Il n'y a rien qui vous répugne ou repousse? La lèpre. J'ai du mal avec l'avarice, en fait. L'avarice, ouais. Elle apostrophe un peu. Ouais. Écoute, vanne de France Inter. Je n'oublierai jamais la qualité que je préfère chez les autres, ou que je jalouse peut-être chez les autres. La possibilité d'abandon. Les gens qui arrivent à s'abandonner dans une relation. Nocturama, c'est demain au cinéma et c'est signé Bertrand Bonello. Du lundi au vendredi sur France Inter, à 12h30. Carnet de campagne au carrefour des bonnes nouvelles près de chez vous. Avec Philippe Bertrand. Les carnets en Seine-et-Marne cette semaine, avec aujourd'hui l'association Horizon, engagée depuis 36 ans dans l'insertion sociale et professionnelle à Meaux. Et ensuite, Brinov, le premier pôle rural de développement économique par le haut débit en Ile-de-France. Carnet de campagne, Philippe Bertrand, tout à l'heure sur France Inter, à 12h30. France Inter, on aime, on aime. On vous en parle. Forum Fnac Livre, du 2 au 4 septembre au Carreau du Temple à Paris, en partenariat avec France Inter. Avec trois jours exceptionnels de rencontres, débats et dédicaces, le Forum Fnac Livre donne le coup d'envoi de la rentrée littéraire en présence d'une centaine d'auteurs incontournables. Jonathan Franzen, Christine Angot, Yasmina Kadra, Karine Thuil, Alain Mabankou, Andriy Makine, Johan Sfar et beaucoup d'autres. Retrouvez Forum Fnac Livre dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr. Vous êtes bien sur Inter, il est midi. Laetitia Gaillet pour vous informer. Ils sont réunis à la préfecture de Mayenne à Laval depuis 7h ce matin. Des discussions autour du prix du lait entre les producteurs et l'industriel Lactalis. Rien n'a filtré pour l'instant et pendant ce temps, les agriculteurs continuent leurs actions sur les différents sites du géant laitier. Une quinzaine sont bloqués dans l'ouest de la France, le Grand Est et le Centre. Mais ce ne sont pas les seules actions menées. Les agriculteurs ont aussi décidé de se rendre dans les grandes surfaces pour sensibiliser les consommateurs. Illustration à Amiens avec ce reportage d'Hugo Brisset. Nadja parcourt le rayon lait avec sa fille, étudiante. Elle fait attention à son budget. Je cherche le prix le moins cher. 0,78 et on peut monter à 1,22, 1,32 le litre. Quand même, il y a une grosse différence. C'est injuste comme les agriculteurs ils sont payés à un prix dérisoire par rapport à la marge de bénéfice des distributeurs. Frédéric, père de famille, achète du lait pour ses enfants. C'est un peu cher, hein, 6 euros et quelques les 6 litres de lait demi-écrémé par rapport au prix que vendent les producteurs. Aux grandes distributions, je pense qu'il y a un peu d'abus de la part de la grande distribution. Clément Janssen, responsable produits frais au magasin Auchan à Amiens, regrette que dans la crise du lait, les consommateurs fassent souvent l'amalgame entre les grandes surfaces, qui sont les distributeurs, et les transformateurs comme Lactalis. Plusieurs clients l'interrogent même sur les prix en rayon. C'est des questions relayées par les médias en se demandant si tout se passe bien. Et on répète effectivement la même chose, c'est qu'on a des accords qui sont négociés au niveau national. Et qu'on les respecte pour que ce soit un bon partenariat avec les producteurs laitiers. Dans ce magasin, plusieurs consommateurs précisent qu'ils seraient prêts à payer plus cher leur litre de lait pour qu'une somme plus importante aille dans la poche des agriculteurs, avec une garantie bien sûr que la répartition soit plus équitable. Hugo Brisset, la Commission européenne vient de frapper un grand coup contre les avantages fiscaux accordés par l'Irlande à Apple. Bruxelles ordonne aux géants américains de rembourser à Dublin un montant record de plus de 13 milliards d'euros. La polémique du burkini en France arrive jusqu'à l'ONU. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme salue aujourd'hui la décision prise par le Conseil d'État vendredi de suspendre l'arrêté de Villeneuve-Loubet dans les Alpes-Maritimes. Cet arrêté et plus globalement les arrêtés pris par les mairies alimentent selon le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme la stigmatisation des musulmans. C'est la semaine des ambassadeurs et à cette occasion, François Hollande les reçoit aujourd'hui à l'Élysée. Le chef de l'État s'est d'ailleurs exprimé tout à l'heure et continue actuellement à propos de l'intervention turque en Syrie. François Hollande met en garde contre les risques d'embrasement général avec les interventions multiples et contradictoires de la Turquie et de la Russie. L'urgence absolue, dit-il, c'est l'arrêt des combats. Sur le dossier ukrainien, le chef de l'État reconnaît que la situation s'est aggravée et que les risques d'escalade sont élevés. Avec Angela Merkel, la France, dit-il, s'est fixé deux objectifs pour la fin de l'année, la démilitarisation progressive et l'établissement d'un véritable cessez-le-feu. Quant à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis, François Hollande le dit, il ne pourra pas avoir lieu d'ici la fin de l'année. La France ne peut l'accepter en l'état. Ce matin déjà, Mathias Fekel avait donné le ton. Le secrétaire d'État au commerce avait déjà annoncé l'arrêt des négociations. Il n'y a plus d'armes chimiques en Libye, en tout cas pour les stocks hérités du régime de Muammar Kadhafi, selon un haut responsable de la sécurité en Libye aujourd'hui. Les derniers stocks ont été transportés samedi en Allemagne via un bateau danois et ce sous la supervision de l'ONU. C'est un flux qui ne tarit pas. 460 migrants sont arrivés en Grèce hier après avoir quitté la Turquie. Nous ne pourrons pas continuer de le stopper, dit Ankara aujourd'hui. La Turquie réclame à nouveau la mise en place de l'accord signé en mars dernier avec l'Union européenne. Elle veut que l'exemption des visas pour les ressortissants turcs voyageant en Europe soit effective d'ici octobre. Côté libyen, la situation reste dramatique. 6500 personnes ont été secourues au large de la Libye hier, Xavier Sartre. Une mer calme et des vents du sud, des conditions idéales pour faire partir les 5 embarcations de fortune vers l'Europe depuis la Libye. Hier, ce fut quasi une journée record. Des bateaux pneumatiques, des barques de fortune, toutes surchargées de migrants pour la plupart originaires d'Afrique subsaharienne ou de la Corne de l'Afrique ont été récupérés. Plusieurs navires de surveillance et d'assistance des gardes-côtes et de la marine italienne, de l'opération Sophia et de Frontex, ont participé aux 40 opérations de sauvetage coordonnées par les gardes-côtes italiens. À leur côté également, des bateaux d'ONG comme le Dignity One de MSF ou les Espagnols de Proactiva Open Arms. Déjà dimanche, 1100 personnes avaient été récupérées en mer et la journée d'aujourd'hui devrait être également chargée. Rome, Xavier Sartre, France Inter. Le dossier des migrants, on en parlera tout à l'heure dans le journal de 13h. Rapidement, je vous en donne les grands titres. On fera le point sur la crise du lait dont on parlait tout à l'heure. Il sera aussi question de la vente de l'Olympique de Marseille à un homme d'affaires américain. Et puis retour sur l'accord de Paris pour lutter contre le réchauffement climatique. L'ancien président de la COP21, Laurent Fabius, se dit inquiet dans une tribune au Monde.fr, inquiet dans sa mise en œuvre. Les 5 plus gros pollueurs de la planète ne l'ont pas encore ratifié. Pour en parler, Bruno Duvic recevra Yannick Jadot, l'eurodéputé écologiste. Et puis cette information qui n'est pas confirmée, mais qui est donnée par l'agence de presse Reuters. Emmanuel Macron pourrait présenter sa démission au gouvernement à François Hollande. Il devrait être reçu dans l'après-midi. Information qui n'est pas confirmée, on en saura plus sans doute dans le journal de 13h de Bruno Duvic. Mais pour l'instant sur France Inter, il est 12h05. Du lundi au vendredi à 14h sur France Inter, La Tête au Carré, saison 10. Mathieu Vidard. Plongé dans le bouillon scientifique pour comprendre le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, le cerveau endommagé par la pollution. Vos questions et les réponses en direct des chercheurs. La Tête au Carré. Avec vos messages sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. Moi, c'est Lucas, 26 ans. Et toujours pas le permis. J'ai attaqué le code il y a des mois, mais je m'entraîne pas assez. J'avoue, parfois, je manque de sérieux. Sauf pour une chose, ma santé. Alors pour ma mutuelle, j'ai choisi MGEN. Pour eux aussi, la santé, c'est sérieux. Au point d'innover avec le programme connecté Vive Optime qui m'aide au quotidien à être en forme. MGEN a même créé une appli mobile qui me permet de compter mes pas. En attendant d'avoir le permis. Lucas a choisi MGEN. Et vous ? Pour en savoir plus, rendez-vous sur mgen.fr. France Inter. On aime, on vous en parle. Festival du cinéma américain de Deauville du 2 au 11 septembre. Plus de 60 films, dont 14 en compétition. Plongez au cœur du festival où l'art interroge l'homme et le cinéma interroge la vérité. Hommage aux porte-flambeaux du cinéma américain, Michael Moore, James Franco, Stanley Tucci ou Daniel Radcliffe. Deauville, le meilleur du cinéma américain pour tous. Retrouvez l'enregistrement du Masque et la Plume en public pendant le festival, le samedi 3 septembre à 16h15, depuis le théâtre du Casino Barrière Deauville. Plus d'infos sur franceinter.fr. Et c'est la suite de la bande originale avec Nagui et tous ses amis. Selon une dépêche qui vient de nous arriver, absolument. Bah écoutez, il faut le dire quand même. Mais oui, je vois bien, nous étions en train de débattre, justement. Absolument. Mais c'était de haute volée. La guerre, je peux vous dire. On a fait bouger les lignes. C'est bizarre comme c'est pas crédible. À tout à l'heure. Pour les infos, tout au long d'après-midi, Laetitia Gaillet sera là pour vous informer. C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kadoboudali. Bonjour. Daniel Morin. Oui, bonjour. Tom Villa. Bonjour. Richard Lorna qui est au clavier. Bonjour, bravo. Morin, Zami est en vacances. Et notre invité, Bertrand Bonello. Bravo. Paris, un matin, une poignée de jeunes de milieux différents, de sexes différents, d'origines différentes, de cultures différentes, chacun de leur côté en tout cas, entame une sorte de ballet, de rendez-vous. On ne sait pas trop où ils vont ni pourquoi faire, en tout cas on les sent déterminés dans leur démarche extrêmement organisée. On a l'impression de débarquer et de prendre le cours de cette action après une ultime réunion qui aurait pu avoir lieu la veille dans un endroit pas forcément obscur d'ailleurs, parce qu'ils aiment la lumière, on le voit dans la dernière partie du film. En tout cas, ce ballet donnera quoi au milieu du métro et des rues de la capitale ? Des explosions, des assassinats. Paradoxe aussi, c'est que lorsqu'ils vont s'enfermer dans un grand magasin la nuit, le paradoxe c'est que d'un côté, ils disent on espère qu'il n'y a pas trop de morts, mais de l'autre côté, il y a eu quand même des personnes qui ont été abattues de sang-froid. Non, on voit bien que ils essaient quand même de faire des attentats totalement symboliques. Ouais. Quand ils vont à l'intérieur d'une tour, ce sont deux étages vides, inoccupés, une salle de réunion vide. Bon, la statue Jeanne d'Arc, qui est un symbole. Après, il peut évidemment y avoir des dommages collatéraux. Il y a des, en effet, quelques assassinats, mais qui sont des choses qui dérapent. C'est pas vraiment dans le programme, excepté un seul, excepté le directeur d'une institution financière. C'est ça. Voilà. Bon, ok, d'une banque. Et on retrouve au casting, c'est important, Louis Rego. Et alors, je me suis demandé, est-ce que c'est Marina Foïs qui est à côté de Louis Rego? Non. Oh là là. Parce que je me suis dit, maquillée. Non, non, mais maquillée. Très, très maquillée. Ah non, mais extrêmement maquillée, coiffée, machin. Je lui dis, mais est-ce qu'elle se cache? J'ai attendu au générique, je dis, est-ce que c'est Marina qui se cache? Elle ne voudra plus jamais venir. Mais si, non, ça va, c'est une copine. Vous la confondez avec Louis Rego? Non. Tu l'as pas vite fait un bail, quand même. Avec une dame. Mais le maquillage au cinéma peut tout se permettre. Non, c'est vrai. Le cinéma, c'est l'art du faux, il ne faut pas l'oublier. Et je trouvais qu'il y avait un. J'ai chopé un sourire, je me dis, oula. Non, en fait, je vois, excepté l'âge, la différence d'âge, je vois ce que vous voulez dire sur, en effet, une expression possible. Il y a une expression quand ils sont à table. Non, c'est une actrice qui s'appelle Hermine Carageuse, qui jouait dans les films de Rivette. D'accord. Oui, Louis Rego, le passage de Louis Rego est extrêmement touchant et émouvant, parce que là aussi, on voit l'un de vos personnages joué par Finnegan Oldfield, me semble-t-il, celui qui n'a pas assumé d'aller au bout de son expérience, qui se fait même carrément pipi dessus au moment de devoir passer ce à l'acte. Ce qui est assez humain, quand même. D'avoir ces espèces de comportements comme ça qui dérapent un peu du programme et qui, voilà, que c'est pas non plus... C'est le plus humain, parce que même dans l'enfermement, c'est lui c'est qui... C'est pas des soldats. C'est lui qui ne veut pas rester à l'intérieur et qui veut même inviter des sans-domicile fixe à profiter de la soirée porte ouverte de ce grand magasin. Oui. Non, mais j'avais envie qu'à un moment, il y ait ce genre, je parlais de comportement, mais de décrochage comme ça, et il sort fumer une cigarette, et à un moment, est-ce que c'est parce qu'il se sent intouchable, surpuissant, est-ce qu'il planent un peu, ils sont un petit peu sonnés quand même. En effet, il fait rentrer deux personnes plutôt démunies. Oui, mais le paradoxe, c'est que c'est le seul de la bande qui soit clairement amoureux. Donc, est-ce que ça veut dire aussi que l'amour est la solution pour sauver cette génération perdue? L'amour, je ne sais pas si c'est une solution pour ça, mais enfin, c'est quand même une solution à beaucoup de choses. Bertrand Bonello, le film s'appelle Nocturama, il est demain sur tous les bons écrans, et avant d'avoir tout à l'heure le brouillon de culture de Leïla Kadour-Boudadi, voici l'humeur de Daniel Morin. Attention, attention, je Pourquoi crois. Pourquoi tu parles comme ça? Non, parce que c'est une alerte. Je vous fais l'alerte, si vous voulez. Attention, je crois que notre Premier ministre perd la boule. Oui, Manu a craqué hier soir à l'occasion d'un meeting. Il a évoqué Marianne, le symbole de la République française. Marianne qui a le sein nu parce qu'elle nourrit la France et qui n'est pas voilée parce qu'elle est libre. Ça y est, c'est dit. Non seulement il ne veut plus de voile, Manu, mais il va un cran au-dessus. S'il te plaît. Manu, il veut de la femme à poil. Il veut de la femme à poil. Question qu'on peut se poser, c'est à quand la décision de faire passer une loi qui ira dans ce sens? L'info vient de tomber. Manuel Valls a engagé la responsabilité de son gouvernement utilisant d'entrée l'application de l'article 49.3. Il est désormais obligatoire d'être entièrement nu sur les plages du littoral français ainsi que dans les piscines municipales. Toute contrevenance sera aussitôt verbalisée et verra son maillot arraché par les forces de l'ordre. Il s'agit d'un nouveau texte légal applicable immédiatement et qui porte le nom de loi CUNU. Apparemment, les vacances étaient trop courtes pour Manuel Valls, qui a encore besoin de repos, de beaucoup de repos. Oh ben ça, quand t'es crevé et irritable, tu prends rarement les bonnes décisions. Et parfois, dans ton élan, tu fais, n'ayons pas peur des mots, n'importe quoi. Manuel Valls, toujours un coup d'avance. Ce matin, le Premier ministre faisait son discours de rentrée à l'Assemblée nationale pour montrer son indéfectible amour de liberté et du devoir laïque à ne pas être voilé d'une façon quelconque. Il est monté à la tribune vêtu d'un tout petit slip tricolore. On attend avec impatience l'intervention du Premier ministre ce soir sur France 2 dans le journal de David Pujadas. Pour l'occasion, Manuel Valls aurait demandé que dans sa loge, on installe tout le nécessaire pour une épilation intégrale. Je pense qu'on est encore sur un vieux reste de canicule qui a dû taper sur le système de Manu. Mais avec la baisse des températures, tout devrait rentrer dans l'ordre. Alors aujourd'hui, les amis, j'aurais adoré vous parler des avantages de la carte Monoprix. La carte Monoprix qui offre des réductions sur des centaines d'articles. Oui, monsieur Bonello, des centaines d'articles, c'est fort intéressant. En ce moment, c'est du 50% de rabais sur le deuxième produit acheté. Là. Bref, c'est de la folie, mais malheureusement, le temps me manque et je suis... bien obligé de parler de la nouvelle qui fait encore aujourd'hui trembler le monde des médias. Une info tombée hier et qui a laissé le monde de la radio quasiment sans voix. Aujourd'hui, les plus grands s'emparent de cette info pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer, les plus grands, dont l'impeccable Léa Salamé. Tout à l'heure, mon invité sera Richard Lornac. La nouvelle tombée hier est confirmée. Le meilleur pianiste du monde a bel et bien rasé sa moustache. Geste fou, geste militant, personne ne le sait encore. Nous nous poserons la question, mais cette ablation ne sera pas sans conséquence. Quel sera l'impact de ce rasage de moustache sur la rentrée sociale et sur la campagne présidentielle 2017? La disparition de cette moustache fera-t-elle couler France Inter et pourquoi pas l'ensemble de la radio publique française? Élément de réponse à 7h50. Allez, ah, bravo Léa. Oh, merci. Merci Léa Salamé. Il s'agit là, je l'espère, hein, tout le monde en est conscient, d'un tournant dans l'histoire de la radio, une enquête qui est très loin d'être bouclée. Affaire à suivre. À demain. Merci Léa. La bande originale. Tu peux pas laisser les gens travailler tranquillement. Donc. C'est la news de la semaine. Ah, ça je vois. Les grandes infos s'en emparent. Patrick Cohen hier, Léa Salamé aujourd'hui. On attend demain. Demain, j'ai hâte de voir. Voici le brouillon de culture de Leïla Kadroboudadi, spécial Bertrand Bonello. Voilà, Bertrand Bonello, votre brouillon de culture. Je vous sors de la promo, je vous donne un bol d'air. C'est notre tête-à-tête culturel. Alors, on a évoqué tout à l'heure l'Apollonide. L'Apollonide, souvenir d'une maison close, c'est le titre d'un de vos films. L'Apollonide, c'est aussi la maison d'enfance dans laquelle vous avez grandi, séjourné l'été, j'imagine. Une maison où il y avait beaucoup de passages. Vous l'avez évoqué à demi-mot, sans vraiment entrer dans le détail. Et parmi les personnes de passage... Je sens que vous allez entrer dans le détail, là. Eh bien oui, j'en ai bien peur. Il y avait de nombreux artistes qui étaient là. Et parmi eux, un homme, un Américain, dont je vous propose d'écouter un peu la voix. Most of it at that time was really about having fun, and we had no idea. I don't think anyone did at that time that what we were doing was in any way going to be important or influential or going to have some effect on all of our lives or on the lives of other people in the city. Vous l'avez reconnu, Bertrand Bonello? Oui, j'ai reconnu sa voix. Je l'ai en effet un petit peu connu. C'est Keith Haring qu'on a perdu bien trop jeune. Un génie. Oui. Par exemple, un des premiers boulots que j'ai eu à Paris, c'était de coller des affiches, l'affichage sauvage pour ses premières expos qui étaient chez Daniel Templon en 86. Et voilà, je l'ai un petit peu vu à New York, à Paris. Et c'est un type qui a été, est-ce que je trouvais ça assez touchant, il a été très gêné de devenir star parce que lui, ce qu'il aimait, c'était quand même le graffiti, c'était faire des dessins sur les nappes. Et après, il me dit, j'ai arrêté parce que les gens déchiraient les nappes et les revendaient. Alors, parmi ces invités un peu prestigieux, il y avait César aussi Qui est niçois, qui traînait beaucoup à la maison, il faisait les pâtes au pistou parfois. Donc, vous n'allez pas à Cannes, mais César vient chez vous, c'est la classe quand même. Oh, joli, joli jeu de mots. Justement, vous avez rencontré beaucoup d'artistes, ça se sent aussi dans votre culture, dans vos références. Quelle est l'influence de tous ces arts sur votre création à vous, qu'elle soit musicale ou cinématographique? Le pistou. Quand on est niçois, le pistou c'est fondamental, vous savez. Le cinéma, ça rassemble énormément de choses. Et puis bon, je parlais de Gramsci, je parlais de ces choses comme ça qui vous structurent. Ben, ça aussi, ça vous structure, ça vous rend extrêmement perméable et aussi exigeant, je pense, à certains endroits. Alors il y a une autre personne qui a beaucoup compté dans votre vie, une de vos idoles. On l'écoute. Je pense que je suis suffisamment bien pour faire ma autobiographie. Et l'Édipe Roy, c'est ma autobiographie. Œdipe Roy et son autobiographie, c'était en 67, vous l'avez reconnu. PPP. PPP. Oui, Pasolini, alors c'est... Pierre-Paolo Pasolini, pardon. J'ai besoin d'un autre truc que PPP. Pour le coup, je pense que c'est probablement la personne qui m'a, au début de ma vingtaine, le plus obsédé pendant plusieurs années. Parce que c'est une pensée totale, c'est pas uniquement un cinéaste, c'est une pensée totale faite à la fois d'une immense intelligence politique et d'une immense poésie. Et j'avais rarement vu le mélange des deux à ce point-là. Et c'est quelqu'un, par exemple, aujourd'hui, je me demande toujours qu'est-ce qu'il penserait du monde actuel. Et je ne dis pas qu'il aurait une solution, mais en tout cas, je pense qu'il aurait une analyse. Alors, vous avez réalisé un court-métrage en 1996, Qui je suis, inspiré d'un de ses poèmes. Vous lui avez même consacré un travail. Oui, c'est un livre autobiographique absolument sublime qui fait 40 pages, donc c'est assez court à lire, qui s'appelle « Qui je suis ». C'est un moment où il pense mourir et il écrit quelque chose sur son passé, son présent et son futur. Et encore une fois, c'est un rassemblement d'intelligence et de poésie, mais sublime. Vous aimez bien le livre court, parce que La Boétie aussi, c'est un livre de 45 pages. Eh ben ça, faire court, c'est vraiment, c'est vraiment un art. Hein. C'est l'art de la concision, de la fulgurance. Et que ce soit Pasolini ou La Boétie, c'est fulgurant. C'est le discours de la servitude volontaire que vous lisiez pendant que vous prépariez Nocturama. Oui, un texte du 16e, qui est un immense texte politique français. Et là, comme on parle beaucoup de politique, peut-être c'est pas mal de le ressortir. Alors, comme vous nous avez donné finalement plein de conseils, moi j'ai envie que vous... J'ai envie de vous demander même une playlist pour bientôt, parce que musicalement, je trouvais que la BO était géniale. À moi de vous livrer un conseil culturel. Nocturama, ça m'a fait penser, on a parlé de Nick Cave, de cet album, ça m'a fait penser à un bouquin de Bret Easton Ellis, Glamorama, juste pour le parallèle avec le titre, qui raconte l'histoire d'un jeune modèle américain qui est entraîné dans un complot qui mêle politique, terrorisme entre New York et l'Europe. Eh bien, ce même Bret Easton Ellis se lance dans la série télé. Il va réaliser, il a écrit et il va réaliser The Deleted, c'est le nom de cette série, qui va sortir sur le service VOD de Full Screen. Et l'intrigue peut vous intéresser, elle tourne autour de la disparition de 3 personnes à Los Angeles. Elles n'ont pas forcément de lien entre elles, mais ces morts-là vont provoquer une vague de paranoïa parmi une bande de jeunes. Une bande de jeunes dans la vingtaine, donc on est pile dans le sujet, qui récemment s'est échappé d'une secte. Voilà, ça c'est mon conseil culturel pour vous, Bertrand Bonello. Est-ce que ça vous tente ? Oui, après c'est pas très original ce que je vais dire, hein, mais je pense que Ellis est quand même le plus grand écrivain contemporain américain. Le seul drame peut-être, c'est qu'il a écrit trop tôt des choses trop géniales. Mais c'est ce bouquin Glamorama, et puis je reviens un petit peu sur Pasolini, j'avais un fantasme il y a une quinzaine d'années, c'était de mélanger Pétrole de Pasolini et Glamorama de Bret Easton Ellis pour faire une espèce de grand film expérimental que évidemment j'ai pas fait. Vous ne voulez pas réessayer ? Parce que je trouve que souvent les adaptations... Il ne faut pas trop déterrer les choses du passé parfois. Les adaptations de Bret Easton Ellis sont rarement très bonnes. Parce qu'elles sont prises de manière littérale et qu'il faut l'aborder par un autre angle, je pense. Vous avez commencé à écrire Nocturama qui sort demain lorsque vous étiez en tournage de La Blonide. Est-ce que lorsque vous étiez en tournage de Nocturama, vous avez commencé à écrire le suivant ? Non, pour la première fois, j'ai pas de projet. Je pense que d'avoir porté ce film m'a un peu... C'est difficile d'enchaîner, quoi. Voilà, je vais laisser le temps et il faut accepter un petit peu le vide avant pas de se remplir. Pas de projet, ça veut dire que vous n'avez pas commencé à écrire, mais ça veut pas dire ne pas avoir d'idée ou en tout cas de domaine dans lequel vous aimeriez aller ? Non, je suis peut-être en fin de carrière. Tu parles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu parles. Non, que j'accompagne ce film et c'est très difficile d'avoir une idée immédiatement derrière. Alors je pense qu'il faut en effet parfois accepter le vide, ce qui est un truc difficile. T'enfiler, tu voudrais prendre du recul. s'est laissé tenter. Dieu n'a-t-il pas créé le serpent autant que la pomme du péché? La pomme du péché. Dans ce mortel isolé, au fond d'un trou perdu, on pourrait recommencer tout ce qu'on a vécu. On va déconner, c'est Charlie Couture. On va déconner, c'est peut-être aussi ce que peuvent se dire les héros de votre film Nocturama, Bertrand Bonello. Est-ce que la fin, on ne va pas la dévoiler ni la raconter, mais est-ce que la fin était une évidence ou est-ce que vous avez eu un doute même pendant le tournage du film et puis à se demander d'ailleurs si vous avez tourné le film dans sa chronologie ou plutôt par mesure d'économie en fonction des lieux de tournage. Alors, on a globalement tourné chronologiquement, c'est-à-dire d'abord les scènes extérieures, puis le grand magasin, puis le troisième acte du grand magasin. J'imagine que c'est la fin dont on parlait. Oui, c'était un peu une évidence. À un moment, j'ai essayé de voir si je pouvais pas sauver un peu quelque chose, etc., sur scénario, et tout ça me semblait très, très faux, très factice. Donc je pense que c'est l'inéluctable, comme ça, me semble assez juste. Vous dites que le cinéma n'est pas là pour analyser l'actualité, décrypter, mais enfin, le cinéma est là, comme tous les arts d'ailleurs, pour nous grandir, pour nous apporter quelque chose. Vous aimeriez qu'on sorte... Ah oui, pour ressentir ça, oui. Voilà. Mais je parle pas d'analyse. Mais après, il peut être là pour vous éclairer certaines choses, pour vous aider à vivre aussi, parce que, enfin, les arts d'une manière générale. Moi, j'ai une immense foi, par exemple, en la fiction. Je pense que la fiction a cette possibilité. D'avoir plus de recul que ceux qui se précipitent à vouloir tout dire tout de suite et à le répéter en permanence. Il y a une phrase de Truffaut que j'aime beaucoup, il dit « La vie est un film mal réalisé ». Voici la cascade de questions, des questions courtes et des réponses courtes pour Bertrand Bonello. On commence avec Leïla. Au-delà de Pasolini, un autre cinéaste qui entre dans votre panthéon personnel, Bertrand. Coppola. Daniel Morin. Un bâtiment à faire sauter à Paris. Non. Bah quoi? On n'a pas le droit aux marques. Ah mais apparemment c'est bon, ok. Tom Villa. Vous avez été nommé pour 43 prix et vous en avez remporté un seul. Ça fait quoi d'être le Nicolas Dupont-Aignan du cinéma français? Alors, je le prends d'une autre manière. C'est vrai que souvent les prix sont des décisions consensuelles. Ça veut dire que je ne suis pas consensuel. Leïla. C'est une bonne nouvelle. Un livre marquant dans votre bibliothèque personnelle, s'il fallait en sortir un. Un livre marquant, si j'en sors un, allez, je vais sortir... Catalogue Ikea ? Non, je vais sortir Balthazar Gracian. Daniel Morin ? L'explosif le mieux adapté pour faire sauter un immeuble en brique. En brique, attention. Alors, j'ai la liste à côté de moi. Moi, je reste attaché au Semtex, en fait. D'accord, très très bon. Ça. C'est quoi ? C'est du plastique, c'est ça ? Vous connaissez Nagui. Tom Villa. Votre plus grande déception cinématographique ? De mes films à moi ? Non, dans les films que vous avez vus. On a dit qu'on ne met pas de marques. Oh non, non, vous n'avez pas vous définir. Non, mais c'est difficile. Ma plus grande déception cinématographique, je n'ai pas été au cinéma depuis longtemps. Vieux film, peu importe, qui vous a déçu par rapport à ce que vous en attendiez ? Alors, certains des miens. Bon, voilà. C'est smart. Comme non, ça, mais c'est vrai qu'on se fait des grandes idées des films qu'on va faire et c'est fabriqué aussi de déceptions. Daniel Morin, dis-nous ce qu'il a présenté. Oh, désolé pour tous nos collègues de BFM Télé dont le travail a été trahi, raillé, salopé par le jeune insolent, que dis-je, le salopard Tom Villa. Nous, on est pour, on respecte la télépunk qui plaît tellement à Bertrand Bonello. Je suis désolé pour tous les fans de Nagui qui ont découvert, oui, grâce à Bertrand, que Nagui était... pas simplement odieux sur les jeux de France 2 ou avec nous sur Inter. Non, c'est aussi une ordure à taratata. Bref, un vrai artiste. Désolé pour Marina Foïs que Nagui a confondu avec une vieille actrice trop maquillée. Ah là là là là, désolé Marina. En même temps, il faut pas lui en vouloir à Nagui. Eh, c'est la cataracte. Merci beaucoup. En tout cas, passez une bonne journée. Merde pour demain, Bertrand Bonello. Nocturama sort. Et demain, nous recevrons pour le théâtre Chantal là-dessus et Michel. Là-dessous. Là-dessous. Michel Faux.